10% rap, 50% go-go, go-go, go-go. Tape dans le monnayeur et là les pièces elles tombent, t'inquiète pas le... Et oui, Rap à Gogo revient dans quelques instants. Mais tout de suite, on retrouve un message du ministère du meilleur ami de l'homme. J'ai nommé le ministère de la femme. Avec un message 100% macho, sans guacamole. C'est pour vous les ladies. N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec. Et une garce, c'est une pute. Un coureur, c'est un jogger. Et une coureuse, c'est une pute. Un chauffeur, il conduit le bus. Et une chauffeuse, c'est une pute. Un entraîneur, c'est un coach sportif. Et une entraîneuse, bah, c'est une pute. Un homme à femme, c'est un séducteur. Une femme à homme, c'est une pute. Un chien, un animal à quatre pattes. Une chienne, c'est une pute. Un cochon, c'est un mec sale. Une cochonne, c'est une pute. Un salaud, c'est un sale type. Une salope, bah c'est une pute. Un allumeur, ça allume le gaz. Une allumeuse, c'est une pute. Un masseur, c'est un kiné. Une masseuse, c'est une pute. Un maître, un instituteur. Une maîtresse, c'est une pute. Un homme facile, c'est un gars sympa. Une femme facile, bah c'est une pute. Un calculateur, un matheux. Une calculatrice, c'est une pute. Un toxico, c'est un drogué. Une toxico, c'est une pute. Un bitch, un volet sur la plage. Une bitch, c'est une pute. Un Hilton, c'est un hôtel. Et Paris Hilton, bah c'est une pute.